Amos chapitre 8. Le Seigneur, l'Éternel, me fit voir cette vision, et voici un panier de fruits d'été. Et il dit, que vois-tu, Amos? Et je répondis, un panier de fruits d'été. Et l'Éternel me dit, la faim est venue sur mon peuple d'Israël, je ne lui en passerai plus. Les cantiques du temple seront des hurlements en ce temps-là, dit le Seigneur, l'Éternel. Il y aura grand nombre de corps morts, que l'on jettera en tout lieu en silence. Écoutez ceci, vous qui engloutissez les pauvres, même jusqu'à désoler les affligés du pays, et qui dites, quand sera passé ce mois, et nous débiterons le blé, et quand sera passé ce sabbat, et nous mettrons en vente le froment, en faisant les fats plus petits, augmentant le cycle, et falsifiant les balances pour tromper, afin que nous acquérions les chétifs par argent, et le pauvre pour une paire de souliers, et que nous débitions les criblures du froment. L'Éternel a juré par la magnificence de Jacob, si j'oublie jamais aucune de leurs actions, la terre ne sera-t-elle point émue d'une telle chose, et tous ses habitants ne lamenteront-ils point? Ne s'écoulera-t-elle pas toute comme un fleuve, et ne sera-t-elle pas emportée et submergée comme par le fleuve d'Égypte? Et il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, que je ferai coucher le soleil en plein midi, et que je ferai venir les ténèbres sur la terre en un jour serein. Je changerai vos fêtes solennelles en deuil, et tous vos cantiques en lamentation, je mettrai le sac sur tous les reins, je rendrai chauve toutes les têtes, et je mettrai le pays en une telle lamentation que celle d'un fils unique, et sa fin sera telle que d'un jour amer. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, que j'enverrai la famine sur le pays, non la famine du pain, ni la soif de l'eau, mais la famine d'ouïr les paroles de l'Éternel. Ils courront depuis une mer jusqu'à l'autre, et ils iront de tous côtés depuis l'Aquilon jusqu'à l'Orient, pour chercher la parole de l'Éternel, mais ils ne la trouveront point. En ce jour la pâmeront de soif, les belles vierges et les jeunes hommes, qui jurent par le délit de Samarie, et disent, Oden, ton Dieu est vivant, et, vive la voix de Beéséba. Ils tomberont donc, et ne se relèveront plus.